Gavrilo Princip va mourir. Il le sait. Les jours d'emprisonnement, à Theresienstadt, lui sont de plus en plus insupportables. Il est faible, tient à peine sur ses jambes. La fierté de son acte l'a abandonné depuis bien longtemps. Il ne dort plus. Le froid lui brûle les doigts. Il est malade. La tuberculose l'a frappé, et il a de cela 3 jours. Il sera sûrement bientôt transféré à l'hôpital de la forteresse. Mais lui pense que c'est inutile. Il va mourir. D'une certaine manière, il pense que c'est mieux ainsi. N'avait-il pas souhaité en finir, en croquant la capsule de cyanure? Il regrette simplement de mourir ici, sous les yeux de ses geôliers, dans la neige et le froid.